بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنخوض المسألة 47. On a passé une qui était la 46e et l'on passe directement à la 47e. Car la 46e, la réponse ne m'est pas apparue clairement de ce qu'a dit l'auteur. Enfin, on la passera, Inch'Allah. قال في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة. Que Allah sait vous apporter secours à Badr alors que vous étiez avili. Al Imran, verset 123. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة وهي قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset cité, a décrit les mu'minin comme étant dans une situation d'avilissement. Et cela au moment où il leur portait secours à Badr. Et dans un autre verset, il est venu qu'il les a décrits comme ayant justement la puissance. Bien alahum l'izza, la force et la puissance. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit, et certes, la puissance est Allah et à son messager ainsi qu'aux croyants. Dans Surat al-Munafiqun, verset 8. Bien évidemment, il n'échappe à personne ce côté de contradiction qu'il pourrait y avoir entre l'avilissement et la puissance et la force. قال رحمه الله تعالى والجواب ظاهر وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعددهم يوم بدر وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نزل في عزوة المراسعين مريسيع في غزوة المريسيع نعم وهي غزوة بني مستلق وهي غزوة بني المستلق وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم وكثر عددهم بفتح العين وعددهم. Donc il dit la réponse elle est claire, elle est apparente, c'est que Allah Azza wa Jal les a décrits comme étant dans l'avilissement, c'est-à-dire par le faible nombre. Ils n'étaient pas nombreux. Et le peu de force. Cela le jour de Badr. Ils n'étaient pas nombreux par rapport à leurs opposants. Quant à sa parole, lorsqu'il dit que c'est à Allah que revient la puissance et la force ainsi qu'à son messager ainsi qu'aux croyants, celle-ci a eu lieu dans une autre bataille. Et cela après que les musulmans se soient renforcés et furent un plus grand nombre. قال مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر. Quoi qu'il en soit, il dit il est possible également de joindre entre les deux, entre cet avilissement et cette puissance, d'un autre point de vue. وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد والعزة باعتبار نصر الله وتأييده كما يشير إلى هذا قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره. Donc c'est le fait que cet avilissement peut être lié au fait qu'ils étaient dans une situation de faiblesse face à leurs ennemis par rapport au nombre et aux armements qu'ils avaient. Et que la Izzah, c'est du fait que Allah Azza wa Jal leur a accordé la victoire et les a soutenus malgré cela. Comme il l'indique dans sa parole, dans le sens où il dit « Et rappelez-vous, alors que vous étiez affaiblis et peu nombreux sur terre, vous aviez peur que les gens ne vous prennent, ne vous saisissent, ne vous kidnappent. Alors Allah vous a abrité et vous a secouru. » ou plutôt vous a soutenu par son secours. وقوله ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة. et que Allah vous a certes secouru à Badr alors que vous étiez hein, avili. Al-Aya. Donc ça c'est la réponse que le chien a apportée par rapport à ce verset-là. Et la réponse elle est claire. Walhamdulillah. فنكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك